En vos oreilles, vous allez être conquis. La première. Il est 11h. Le journal vous est présenté par Nicolas Lehmann. Bonjour. Bonjour. 2015, une année noire pour le réchauffement climatique. La température moyenne de la planète n'a jamais été aussi élevée. C'est la conclusion d'un vaste rapport international publié ce matin. La montée du niveau des mers et les émissions des gaz à effet de serre dépassent tous les seuils enregistrés jusqu'à présent. Et ça ne risque pas de s'arranger en 2016. Les 6 premiers mois de cette année battent déjà des records. Les avocats en font-ils assez contre le blanchiment d'argent? Normalement, quand ils ont des soupçons en dehors de leur fonction d'avocat, quand ils gèrent des fonds financiers par exemple, ils doivent les signaler. Mais voilà, seuls 2 dossiers ont été déposés en 2015, contre 7 en 2013 et 9 en 2014. La CETIF, la cellule anti-blanchiment, constate que de nombreux cabinets d'avocats sont eux-mêmes cités dans des dossiers litigieux. Du côté des avocats, on conteste, on parle de griefs injustes et non fondés. La Sûreté de l'État ne pourra plus garder vos données personnelles indéfiniment. Dorénavant, ces données pourront être conservées pour une durée maximale de 50 ans. Après cela, eh bien, tout sera détruit. C'est en tout cas le principe de base d'un arrêté royal publié aujourd'hui. Cela dit, il y a des exceptions prévues. Si les services de renseignement veulent garder ces données, ils devront justifier leur décision. Le Burundi le répète encore ce matin, pas question de voir des policiers de l'ONU sur son territoire. Une résolution adoptée vendredi par les Nations Unies prévoit le déploiement de 228 policiers étrangers. Une violation de la souveraineté nationale, dit le gouvernement burundais. Le Burundi traverse une crise politique majeure depuis que le président Pierre Nkurunziza a été réélu pour un troisième mandat, c'était l'été dernier. Enfin, le trafic aérien est fortement perturbé ce matin en Indonésie. Plusieurs éruptions volcaniques ont entraîné la fermeture de 2 aéroports. Des centaines de vols à destination de Bali sont annulés. Bali qui est un haut lieu du tourisme très fréquenté par les Occidentaux. Si vous avez prévu de vous rendre à Bali dans les prochains jours, renseignez-vous auprès de votre compagnie. Excellente journée à tous. Toute l'info est sur rtbf.be. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Ça se passe sur la première. En Belgique, la crise... Chaque samedi de l'été sur la première, Autopsie explore en profondeur un événement de notre histoire récente. Sauver Fortis, c'était la mission du gouvernement. Avec des archives, mais aussi des témoignages d'acteurs sur les coulisses. Moi, je reçois un SMS d'Elio disant « Rendez-vous au palais ». Une heure pour comprendre, au travers d'un grand récit à découvrir en radio le samedi midi, mais aussi en podcast et sur notre web documentaire www.rtbf.be/autopsie, rtbf.be/autopsie. Globe Crocker, Benjamin Leupartz sur la première. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Ceux qui perdent leur capacité de rêver sont perdus, proverbe aborigène. Joyeux mercredi sur la première, c'est Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui voyagent autrement, au point même parfois qu'ils changent de vie en route. Ensemble, on traverse l'été d'est en ouest et de juillet en août, tous les matins de 11h à midi sur la première, au son des récits de voyages bouleversants. Ce sont les voyageurs eux-mêmes qui nous emmènent dans leur pérégrination. Sur la table de Globe Crocker, ils ont la gentillesse de déposer leur trouvaille de voyage, ces objets anodins parfois, mais qui ont une valeur inestimable pour celui qui les trouve. Qui sait, certains se goûtent, certains se croquent aussi. La formule de Globe Crocker, c'est aussi de s'immerger dans les souvenirs d'ailleurs, en se mettant les musiques de nos voyageurs dans les oreilles. Et puis aussi, on garde une place pour les compagnons des heures perdues, les lectures de voyage. Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un aventurier coutumier des marches en solitaire. Il en a traversé des lieux étonnants, déserts de sable ou de sel. Il nous emmène dans un enfer rouge, grand comme 6 fois la Belgique, une enclume sur laquelle le soleil frappe, un endroit du système solaire que seuls 3 humains ont traversé, soit moins d'humains que la Lune n'en a connu, le désert Simpson en Australie, à pied. Voilà notre destination à croquer. 11h midi. Benjamin Leupart, Globe Crocker, sur la première. Bienvenue en Australie. L'évocation du nom du pays fait rêver. Il est quelque part synonyme de bout du monde idyllique. L'île est faite de superlatifs. Le plus grand pays d'Océanie et la plus grande île du monde. Aujourd'hui, cap sur les déserts australiens. Dans ce pays, 80% du territoire est constitué de terres arides. Il y a 10 déserts, dont le Great Sandy Desert, le désert de Gibson, le désert de Simpson ou encore le grand désert de Victoria, qui à lui seul recouvre 5% du pays, presque la taille de l'Allemagne. La couleur rouge mordorée si particulière au désert australien vous accrochera dès les premières minutes. Au rendez-vous, kangourous, dingos, rapaces, chevaux et chameaux sauvages. Dépaysement assuré. Alors c'est parti pour la découverte. Bonjour Louis-Philippe Lonck. Bonjour. Bienvenue dans Globe Crocker. Mais merci de m'accueillir. C'est marrant parce que j'écoutais la dame qui me parlait d'Australie et j'avais déjà les frissons au bras. Donc ça part bien alors. Oui, j'ai l'impression de presque y être déjà. Le passé, le futur. Vous êtes un fameux numéro, Louis-Philippe Lonck. Vous êtes moucronois. Et il y a 8 ans, vous vous dites, tiens, et si je traversais l'un des déserts les plus hostiles du monde, le désert Simpson en Australie, d'est en ouest. Quelle drôle d'idée. Ben oui, ça c'est. J'ai fait donc une traversée il y a 8 ans et je repars dans quelques jours en Australie refaire une traversée un peu différente. Du même endroit, en autonomie complète. Ce qui veut dire par autonomie complète, c'est qu'il y a personne qui va me suivre et j'aurai tous mes vivres avec moi, c'est-à-dire mon eau et ma nourriture. Mais vous êtes un peu un habitué de l'exercice, hein, genre l'autonomie complète, ça vous connaît. Ouais, je suis un peu spécialiste au niveau mondial maintenant des déserts à pied en trekking, ouais. Alors là, on est en 2008, on atterrit avec vous à Sydney. On va essayer de goûter à vos premières impressions sur le pays continent Australie. On va se rendre bien sûr dans ce désert qui est plus ou moins au centre du continent. Pour l'instant, on est à Sydney. Comment ça va ? Eh bien, moi, ça va parce que quand j'arrive, je stressais avant de partir. L'avion me permet évidemment de déstresser parce qu'il y a, j'ai aucune prise sur le temps j'ai aucune action à faire dans l'avion. Et puis évidemment, la machine de la logistique se met en route. C'est-à-dire que je sais qu'avant d'arriver en Sydney, je dois aller chercher ma nourriture lyophilisée chez un partenaire et que je dois récupérer évidemment mes affaires. Alors, première tuile qui m'arrive, c'est ça que... c'est que mes bagages ne sont pas arrivés en passant par Singapour. Mes bagages ont été paumés, donc ne sont pas avec moi. Je n'ai que mon matériel électronique et pas de vêtements, à part les vêtements que j'ai sur moi, de 1. Et de 2, ma nourriture lyophilisée est dans un camion qui, lui, est bloqué en place. Vous êtes déjà en autonomie complète. Exactement. Déjà résoudre des problèmes, mais bon, je ne pensais pas que ça allait arriver à ce point-là à Sydney. Et donc bloqué parce que le pape, Jean-Paul II, venait rendre visite à Sydney, les JMJ à ce moment-là. C'était les journées mondiales de la jeunesse, Jean-Paul II, qui faisait un ramdam de fous furieux. Et du coup, le camion avec le matériel reste coincé. Voilà. Ça part mal. Voilà. Mais bon, la solution, ça a été de prendre l'équivalent du RER de Sydney, de faire en 2 heures l'aller-retour pour rechercher ce qu'il fallait dans vous le grand hangar. Vous êtes monsieur solution dans la vie, hein. Vous êtes informaticien, voilà. Vous fabriquez de la solution. Voilà, pour l'instant, j'occupe un rôle de problem manager, c'est-à-dire j'essaie de les résoudre plutôt que de les créer. Bon, alors là, on est à Sydney, donc côte est sur l'Australie. On va prendre un avion et on va filer vers Alice Springs. Là, on sera plutôt au centre, pas loin en fait du désert. Oui, donc Alice Springs, c'est la capitale mondiale des déserts australiens, de l'Outback. Et c'est de là que tout part. Donc il y a Uluru qui est pas très loin. Et on rappelle Uluru ? Alors Uluru, c'est le grand rocher rouge, le monolithe, un gros caillou d'une seule pièce qui est un peu une icône de l'Australie, hein, qui fait partie, comme l'opéra de Sydney, d'un des grands symboles. C'est parti pour 5 semaines. Dans quelques instants, vous allez vous lancer dans ce désert. C'est l'hiver australien. Oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Simpson, on n'a pas trop envie de le traverser en été. On peut monter à des 50 degrés avec la réflexion de la lumière du soleil sur le sable. On aurait une température ressentie qui serait plutôt désagréable. on va se mettre dans les oreilles la musique de vos préparatifs soigneux et vraiment très méticuleux, parce qu'évidemment, ce genre de traversée ne se fait pas à l'improvisation. Vous écoutiez ceci. J'ai toujours préféré... aux voisins, les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins, les voisines. C'est Renan Luce. Ça donne la cadence, hein. On vous voit presque marcher légèrement. Oui, oui, mais moi c'était la version plutôt hard rock, c'est-à-dire que c'était une des chansons, comme il y en a plusieurs autres, que j'ai entendues avant de partir dans le désert. Et comme je n'utilise pas de musique, bizarrement mon cerveau me fait chanter les dernières chansons que j'ai entendues. Donc celle-là, ça passe très bien. Et puis la version rose, c'est « J'ai toujours préféré aux voisins, mes voisines ». Ça donne une autre cadence, effectivement. Il y avait parmi les autres chansons que vous entendiez, le chemin de Kyo, par exemple, ou la lettre encore de Renan Luce. Alors si on devait, justement, se mettre dans les oreilles la musique que vous écoutiez sur place, c'est un peu compliqué, vous n'emportez pas de musique avec vous, vous chantez ce que vous entendiez juste avant de partir, et ben, vous avez réinterprété ceci. So I'm telling you exactly what is on my mind. See the way we ride in our private lives. Ain't no Pussycat Dolls. Stick with you, Pussycat Dolls. Qu'est-ce que vous l'avez massacré? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est eux qui m'ont massacré le cerveau. Mais en fait, c'est très simple. Lorsqu'on marche, donc on pense aussi à certains objets. Donc je suis là en anglais, mes walking sticks, mes bâtons de marche. Ah, voilà. Et stick, et bizarrement, le cerveau a été chercher le premier mot stick with you. Et la chanson Stick with you, qui est presque collée comme un chewing-gum à moi, ben, m'est restée collée pendant. Et surtout que comme je n'aime pas vraiment la chanson, enfin je n'aime pas du tout la chanson, et maintenant je la hais, elle se chante et on essaye de... mais on a chaque fois les bâtons de marche en face de soi, donc c'est absolument horrible, quoi. C'est une torture que vous infligez. C'est une torture, écoutez-la 100 fois d'affilée, mais rien que le refrain, parce que comme je connais même pas les couplets, c'est que le refrain, quoi. Je vous rassure, je ne connais pas du tout. À quoi va ressembler votre trajet? Ce sera une ligne droite? Alors, en 2008, il y avait, on va dire, trois segments de droite. Le premier segment partait du nord, traversait au nord un village aborigène et arrivait à un point... On va aller y faire un tour après, oui. Voilà, et arrivait à un point où il y a plein de lacs qui me permettent de traverser ces lacs parce qu'ils sont plats, parce que sinon je dois prendre les dunes de face. Ce sera plutôt au plein sud? Ce sera plutôt au plein sud, oui, dans l'axe des dunes. Vous avez démarré cette traversée du désert qui est un désert rouge, de sable rouge. Splendide, hein, si on regarde un peu des photos de votre aventure qu'on peut facilement trouver sur le web. Ces dunes sont rouges, vous n'étiez pas toujours dans les lacs, donc parfois sur les dunes, il y a de très belles photos. On va entamer cette traversée vers le sud avec vous, Louis-Philippe Long, dans quelques instants dans Globe Rocker, juste après Big Jet Plane, Angus et Julia Stone. I wanna kiss her. Jetplane, Angus et Julia Stone sur l'album Down the Way en 2011. Nous sommes en Australie ce matin dans Globe Crocker et on s'apprête à traverser un désert rouge avec notre Globe Crocker de la matinée, Louis-Philippe Lonc. Globe Crocker sur la première. Proximus présente. Tiens, t'as vu ? Toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt ? Alors écoute bien, ça c'est quoi ? Oh, bah, facile, basket. Ouais, et ça ? Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça. Football. Balle de foot dans les boules. Classique. Oh, t'es fort, hein. Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be/sport. Proximus, infiniment proche. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable? Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Moi j'aime le barbecue parce que quand c'est le barbecue, c'est moi qui cuisine. Ah ben c'est madame qui va être contente alors. Et si vous voulez lui faire encore plus plaisir, préparez-lui notre délicieuse petite côte de porc. Là c'est sûr, vous aurez la côte. Jusqu'à mardi chez Carrefour Market, le second pack de nos délicieuses petites côtes American Barbecue Spicy au miel est à moitié prix. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Cet été, la première prend l'air. Musique et festival. Humour et savoir. Voyage et découverte. Des livres et des films plein la tête. Cet été, prenez l'air avec la première. Plus d'infos sur lapremière.be. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Louis-Philippe Lonc, vous êtes notre guide en Australie. On est en plein centre de ce pays continent, là où il y a un des déserts australiens, celui qui est tout rouge, le Simpson. Et on va essayer de comprendre la démarche qu'il y a eu dans votre tête et dans les mois qui ont précédé cette traversée, cette première traversée, puisque vous allez en faire une seconde dans quelques jours dans l'autre sens. Vous n'êtes pas dégoûté, c'est bien. Il y a Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». C'est un peu ça ou pas ? Oui, oui, ça l'est. Dans mes premières randos en Australie, bien avant, j'avais rencontré plusieurs rangers. Et lorsque je disais « Je vais faire une rando de 3 jours », là, ils me prenaient déjà pour un fou. D'ailleurs, ils m'ont appelé le « Crazy Belgian » là-bas. Et évidemment, quand je suis arrivé avec l'idée du Simpson et que personne n'avait fait sur sa longueur, les premiers renseignements ont été faits que la personne qui venait en 2006, donc il y a 10 ans, quasi jour pour jour, qui avait fait de la largeur. Et moi, je dis, ben, est-ce que la longueur est possible ? Et on s'est dit, ben, on ne sait pas. Mais parce que personne n'avait même pensé de le faire, parce que ça paraissait complètement dingue de le faire en autonomie. Et puis, ben, moi, petit ingénieur de ma Belgique, qui ne savait pas que ça aurait été compliqué sans avoir fait de reconnaissance, je ne savais pas à quoi ressemblait le Simpson, à part quelques photos et vidéos sur Internet, je me suis dit, réfléchissons. Et un des grands défis, évidemment, c'est qu'il faut transporter plus d'eau et plus de vie. Donc, la charrette que je devais construire pour tirer derrière moi dans ce sable devait être solide c'est ça, et de vous grande capacité. Pari de ne pas porter, mais de tirer une charge utile, une énorme charge utile. Ben oui, le poids propre de la charrette plus toute la... le poids au départ était de 215 kilos, quasi trois fois mon poids. 215 kilos de nourriture et 140 litres d'eau. Exact, oui. C'est la seule eau que vous pourrez utiliser, parce que dans le désert, il n'y a pas moyen d'en fabriquer, par exemple, en recueillant la rosée, comme il est parfois possible de le faire ailleurs, en Inde, par exemple. Voilà, il y a toutes ces techniques de récupération d'eau, il y a même boire son urine, ce genre de choses-là. Mais il faut savoir que ça prend du temps. Et donc, le temps que je vais récupérer un litre, je vais peut-être perdre une demi-journée qui me coûte 2 litres. Donc, l'idée, c'est de progresser. Vous fabriquez, avec l'aide de votre papa, une charrette. Alors, on va essayer de décrire cette charrette qui est hyper légère, mais en même temps qui doit pouvoir être robuste et traverser des choses invraisemblables sous une chaleur de plomb. Oui. Donc, basé sur la morphologie du terrain, en aluminium, parce que c'est plus léger par rapport à l'acier qu'on pourrait avoir en équivalent, et des roues qui sont doublées, donc des roues de VTT, deux de chaque côté, donc ça fait 2 roues jumelées, donc finalement 4 roues et 4 pneus. Les pneus que je prends, non pas air, parce qu'à air, je fais des crevaisons, et c'est tout du temps perdu de réparer in situ avec le soleil, et surtout que les crevaisons, lorsqu'on en a, il faut utiliser de l'eau pour trouver la fuite. Nous, ça nous paraît évident, le fameux coup, un peu de savon, une bassine d'eau, et voilà. Mais là, on est dans un désert, donc tout ce qui commence ou finit par eau, on oublie. Voilà, exactement. L'eau est faite pour boire. Et donc, j'ai trouvé, après des recherches, 3 mois de recherche, des pneus qui étaient des pneus pleins, mais avec des micro-bulles d'air. Donc, il y avait quand même un peu de moelleux dedans. C'est comme un moelleux au chocolat, mais en pneu. Comment vous faites pour vous situer ? Alors, je me situe tout simplement avec GPS. Mais en cours de journée, je n'utilise que pour marquer mes points et vraiment prendre une direction parce que je dois aller dans mon segment de droite pour essayer de faire le moins de pas possible, donc le plus droitement possible, en zigzagant quand même dans les dunes et la morphologie du terrain. Mais j'ai aussi évidemment la boussole et les cartes parce que si le GPS devenait à lâcher, que je ne peux même pas dire par téléphone satellite où je suis tout simplement mort et on me retrouvera jamais. Vous êtes en autonomie complète, c'est-à-dire que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Vous rechargez vos batteries par exemple concernant le GPS et éventuellement le téléphone, c'est un téléphone satellite. Oui. Vous comptez sur votre ami le soleil. Exactement. Donc le soleil est un peu comme une épouse, c'est-à-dire que on l'aime beaucoup quand on en a besoin. Hein, donc c'est-à-dire qu'elle nous offre chaleur, réconfort et permet-moi de recharger mes batteries. Et lumière. Et lumière et évidemment journée. Mais par contre, quand elle s'énerve, c'est-à-dire quand il fait trop chaud, ben on aimerait bien qu'elle s'en aille un petit peu ou on ferait appel au cousin nuage pour être là. Mais ça, nuage là-bas moyen. Hein. Ça dépend. Il y en a, ils viennent d'ailleurs lorsqu'il y a un peu de vent, mais il n'y en a pas tant que ça non plus dans le Simpson. Et alors du coup ? Alors du coup... Le soleil à sa cousine. Le soleil à sa cousine, et qui est ma maîtresse en fait, et qui est la lune. Et je prends toujours mes expéditions dans le désert, j'essaie d'avoir une pleine lune à ce moment-là, parce que la pleine lune, qui réfléchit donc le soleil, me donne un éclairage sur 200 mètres, tout autour de moi, surtout qu'il n'y a pas d'arbres, donc c'est pas comme si j'étais dans une forêt. Et puis il fait frais. Je vois tout. Et puis il fait plus frais la nuit, donc la nuit je peux marcher longtemps. D'accord, tout ça vous y pensez évidemment en amont, on est dans les démarches, les préparatifs. Comment, avant de partir, vous imaginez votre journée type en termes d'horaire, en termes de rendement, de performance par jour ? Et je sais que de toute façon... J'ai 3 choses à faire lors d'une expédition. 1, marcher, progresser. 2, prendre des photos. Et 3, s'il y a petit test scientifique, petite réparation, etc. Donc la priorité, c'est de marcher. Et pour ça, il faut marcher le plus longtemps possible. Et alors au départ, bon, évidemment, je dois m'habituer à la chaleur, la charrette est trop lourde, j'arrive pas à tenir un horaire. Mais les 3 dernières semaines, c'est vraiment 7h du matin, 22h. Ah oui, quand même. Que de la marche. En fait, c'est quasi jusqu'à épuisement complet, quoi. Chaque soir. Puisque pas le choix. Donc vous ne ménagez pas votre effort. Voilà, mon eau est là et je ne peux pas ménager. Les 2-3 premiers jours, oui, parce que la charrette est très très lourde, mais sinon, non. Bon, c'est le 16 juillet, on va démarrer tout doucement cette traversée. Il y avait le fameux village aborigène qui borde ce désert. On va démarrer de là dans quelques instants, juste après Gold, Chet Faker. never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. You gotta know I'm feeling love. Made it gold, I'll never love her. Another one, another you. It's gotta be love, I said it. I might as well be in our garden. I said, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes. What it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Well, before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know I'm feeling love. Made it gold, I'll never love her. Another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know I'm feeling love. Made it gold, I'll never love her. Another one, another you. It's gotta be love, I said it. Gold de Chet Faker, Built on Glass, ça c'est le nom de l'album. On est en 2014 et aujourd'hui en 2016, on est avec Louis-Philippe Long qui nous emmène en Australie pour une folle randonnée à travers le désert Simpson qu'il a fait en solitaire et en autonomie. Globe Crocker sur la première. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin Leupart. Et c'est Louis-Philippe Long qui ouvre le chemin à travers le désert rouge Simpson, en plein milieu de l'Australie, sous un soleil de plomb, même si c'est l'hiver australien. On est le 16 juillet, il y a 8 ans, et on va se lancer. Et alors, quand vous vous lancez, Louis-Philippe Long, vous commencez par un petit village qui n'est pas dans le désert, puisque le désert est désert comme son nom l'indique, mais juste à l'entrée du désert, il y a ce village aborigène. Oui, donc la personne qui me dépose à 50 km du village, donc j'ai 50 km à faire sur la piste qui m'amène au village. Et ce qui était plutôt comique, c'est que ben moi j'avais très envie de les voir. J'arrive au village, je vois absolument personne et je fais le tour, il y a 4-5 baraquements. Et c'est au moment où je quitte le village, qu'il y a un pick-up qui sort de je ne sais où, venant d'une route qui venait un peu du sud, qui venait quelque part du désert. Et je tombe sur ces aborigènes. Ils étaient trois dans la voiture, deux adultes à l'avant et dans le pick-up à l'arrière, un plus jeune d'une quinzaine d'années. Je ne parlais pas anglais, mais bon, j'ai dit ce que je pouvais en anglais. J'ai dit, est-ce que vous voulez voir le permis que j'ai? Parce qu'il faut un permis pour traverser leur territoire. Vous pensiez qu'ils étaient les gardiens du désert? Oui, un petit peu. Je pensais qu'ils allaient en tout cas vouloir vérifier que j'ai bien un permis, que je suis bien la personne qui était annoncée depuis trois mois. Donc, on ne traverse pas un désert comme ça. Il faut une autorisation. Il faut une autorisation. Qui vient d'où? Qui vient du CLC, le Center of Land Council, voilà, qui est basé à Alice Springs et qui s'occupe de tous les territoires aborigènes. Il faut des permis pour y aller, il faut des permis si on veut filmer et faire un usage commercial, ce genre d'accord. de choses. Ok, vous aviez ce permis en tout cas pour le traverser. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, les aborigènes? Ils ne disent pas grand-chose, donc moi je leur pose la question, tiens, le permis c'est bon, est-ce que vous voulez le voir? Non, bon ok, signe que non. Et puis je dis, je continue vers le sud, hein, donc là, c'est moi, je viens pour traverser. Et puis eux me regardent comme ça, ok. Et puis il y a le jeune qui me dit, have a good trip. Et ça, dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte que je suis en train de faire un truc qui n'a jamais été fait, que même eux, théoriquement, n'ont pas fait? Alors oui, les aborigènes ont traversé le désert de Simpson, jusqu'au siècle dernier, parce qu'ils y vivaient encore jusqu'en 1902. Puis quand ils sont partis, ils ont reboucher les puits d'eau qu'ils avaient, parce que évidemment ils ne se baladent pas avec une charrette avec l'euro. Ils sont belges pour faire ça. Voilà, il faut être un peu belge pour faire ça. et donc surtout sur sa longueur, c'est ce qu'on appelle aussi un challenge, et c'est pas du tout dans la philosophie d'un aborigène dans leur culture. Eux, c'est la survie, la communauté avec la nature, pas du tout. Je vais monter l'Everest, ce genre de choses, ils sont pas du tout dans cette idée-là. Et donc le gars qui me dit have a good trip. Ça me semblait un peu drôle. Je dis, est-ce qu'il se rend compte du truc? Ou est-ce que finalement, pour lui, c'est usage normal, ils le font peut-être... C'est pas comme s'il voyait plein de gens non plus. Non plus, donc voilà. Mais... voilà. Il se dit, tiens, si j'en trouve un, il doit être tombé sur la tête. Ça changera un petit peu du film. Donc il y a 100 ans qu'ils n'y sont plus, vous lancez. Alors, premier contact avec ce désert rouge. La première difficulté, évidemment, c'est lorsque j'arrive dans les dunes, les 215 kilos à tirer, c'est extrêmement difficile. Et puis il y a le premier soir où il y a un truc bizarre qui m'arrive, c'est qu'il y a une espèce de boule de feu, une lumière qui est à peu près à 20 mètres de moi, enfin en hauteur, et je dirais, c'est même une difficulté à dire à quelle distance ça a été de moi, et donc je ne savais pas sa taille, mais on va dire entre... C'est un peu tôt pour les hallucinations. Oui, c'est un peu tôt, c'était le 2 et le 3e jour, j'ai eu ça 2 jours d'affilée, et finalement, et je vois cette boule. Je dis, il y a quelqu'un qui est en haut d'une dune ou un peu plus loin. Super déçu, évidemment. Alors, je crie, je dis, il y a quelqu'un. Je dis, c'est peut-être une voiture qui est un peu plus loin avec ses phares qui m'éclairent. Rien. Et puis, je me remets en marche. Et le truc, c'est que cette lumière, cette espèce de boule, me suit. Et elle me suit pendant une heure ou deux. Et là, on se dit, on a beau crier, je dis, il y a ce truc-là. Et en fait, j'en ai parlé à absolument personne. C'est la première fois que j'en parle publiquement, entre guillemets, ici, et donc à ceux qui, aux 3-4 personnes qui nous écoutent. Et c'est 6 mois plus tard, coup de chance, je tombe sur un documentaire qui m'explique ce que c'est les Min Min Lights en Australie, donc les lumières Min Min, qui est un phénomène, en fait, comme un mirage, en fait. Et ce serait, en fait, des lumières de phares de voiture qui seraient potentiellement à 3, 4, 500 km de moi, qui, avec on va rentrer à un truc technique, je sais pas si je vais bien l'expliquer, mais une sorte de couche d'air. Dans des couches d'air qui ont différentes densités dues à leur température, en fait, cette lumière traverse un peu comme dans une fibre optique, traverse des kilomètres et des kilomètres. Centaines de kilomètres. Voilà. Et elle arrive à moi. Et alors là, vous vous sentez bien seul, bien bien seul. Mais là, on ne sait pas du tout, quoi. On ne sait pas ce que c'est, puisque là, je crois que je devais être comme les anciens, enfin tous ceux qui ont vu des phénomènes qu'ils appellent eux paranormaux et qui ne savaient pas l'expliquer. Aujourd'hui, on peut l'expliquer. Mais ça a été trouvé qu'il y a moins de 10 ans qu'on connaît l'explication. Les Min Min Lights australiennes. On a dans Globe Rocker une habitude, ce sont les lectures de voyage. On imagine bien que dans les 215 kilos, dont 140 litres d'eau que vous trimballez derrière vous, vous n'avez pas non plus emmené toute une bibliothèque. Néanmoins, vous avez écrit des choses, enfin au début en tout cas, vous avez écrit et vous avez écrit ceci. Jour 14, 29 juillet 2008. Je me réveille sur ce lac desséché où j'ai décidé de camper hier soir. Je suis assez fainéant et j'attends les premiers rayons du soleil pour sortir et me réchauffer. En route vers 7h30. Je marche en suivant le milieu du lac. C'est assez mou et cela est difficile et ma progression est ralentie. Je dévie vers les bords du lac qui sont plus durs et ma vitesse augmente. Je vois un chameau, je laisse la charrette, je prends l'appareil photo et je pars lentement en sa direction. Il s'enfuit. Plus tard, j'arrive au grand lac asséché situé au nord du Simpson que j'ai repéré sur les cartes. Je le traverse en plein sud-sud-est sur des traces de chameaux. Leurs pas sont enfoncés de 3 cm dans la terre du lac. Le spécialiste australien des dromadaires et du Simpson, qui a réalisé des dizaines de petites traversées, m'avait dit de ne jamais traverser les lacs asséchés car je risque de m'y enfoncer, voire d'y être immobilisé avec ma charrette. Les chameaux ne le font pas. Eh bien, ici, ils le font. Donc, si eux peuvent le faire, je transgresse la règle, je peux aussi le faire. Plus besoin de mes guêtres. Le poids sur les pieds diminue et la marche s'améliore. Je vais dans des dunes rouges pour faire des photos. Je passe une dune, traverse un autre petit lac, toujours sur les bords. J'atteins une autre dune où je vois plein de chameaux. Je prends plein de photos tout en m'approchant. Il s'enfuit. Je passe encore une dune. Un bras de rivière qui est assez facile, mais ensuite la pente monte. Et je me retrouve en face d'une énorme dune. Je m'y mets, mais vers la fin de la partie haute de la dune, je dois tout décharger et faire des allers-retours avec le matériel jusqu'en haut de la dune. Impossible de tirer le poids complet de ma charrette dans le sable et dans une telle pente. Il fait nuit. Je dors en haut de cette dune afin de pouvoir observer le lac d'en haut le prochain lendemain. Je reconditionne et équilibre le matériel et la nourriture. Jour 15. Ça vous fait quoi d'entendre votre journal de bord, enfin journal de traversée du Simpson, Louis-Philippe Lonck ? Il y a toutes les images qui reviennent, les couleurs, les odeurs, il y a certains sons, un son que dont j'ai pas parlé et que j'avais commencé à entendre le premier soir. C'était le son de mon cœur que j'entendais directement dans mes oreilles parce que mon cœur battait très fort, la charrette était très très lourde. Et en fait, comme il y avait un silence de mort, je n'avais que poum poum poum poum poum poum dans mes oreilles. Et pendant quelques secondes, je me suis dit, mais d'où vient ce son, quoi? Et puis je me suis dit, oui, c'est mon cœur, mais comment? Et puis j'ai touché mes oreilles et je sentais les veines qui bougeaient. Et donc ces veines redonnaient le son dans mes oreilles, c'est incroyable. Il y a plein de sons qui vont vous accompagner, avec vous et votre charrette qui va se mettre à couiner à un certain moment, dans cette traversée du Simpson Louis-Philippe Lonck. On va les passer en revue parce qu'il raconte quelque chose sur votre traversée de ce désert rouge. Ce sera la suite de Globe Crocker, juste après Ho Ho Ho de Matt Corby. Well, I guess it's a lie. Matt Corby, Oh Oh Oh, sur l'album Tel Lyric en 2016. Dans Globe Crocker ce matin, on est en Australie et on marche dans le désert. Cet été, la première prend l'air. Ce samedi, cap sur le Brussels Summer Festival. Depuis le Mont des Arts, Claudine Fine vous propose une émission spéciale entre 20h et minuit. La première prend l'air. Vibrez au son du Brussels Summer Festival ce samedi sur la première. Ce week-end, vous allez en Ardennes ? Oh, regarde là-bas ! Oh, il est beau le chevreuil ! Oh oui ! Ou bien dans un bon restaurant ? Il est bon le chevreuil, hein ? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. 11h midi sur la première, Globe Crocker. Louis-Philippe Long, c'est super gentil de nous ouvrir le chemin dans le désert Simpson. Nous sommes en plein cœur de l'Australie, quasiment au milieu, en dessous d'Alice Springs. Et vous allez vous nous emmener depuis ce matin à travers ce désert du nord au sud, c'est-à-dire dans sa longueur. Vous avez rencontré des aborigènes qui trouvaient ça tout à fait normal, bien qu'ils n'y mettent plus les pieds, eux, depuis une centaine d'années. Là, on marche dans des lacs. Pourquoi ? Parce que le lac est plat par rapport à la dune, donc il facilite ma progression. Donc au nord du désert, il y en avait quelques-uns, et mon but c'est de les relier, même si le trajet en kilomètres est plus long, mais il est plus facile. L'idée c'est de minimiser le temps pour minimiser l'eau, parce que je dois arriver au bout, avec toute mon eau évidemment. Donc il y a tout un aspect de gestion de l'eau qui est basé sur ma discipline journalière et les cartes, on va dire. Alors, on marche dans des lacs, d'accord. Ils sont évidemment asséchés, ces lacs. Évidemment. Ils sont asséchés depuis toujours ou bien... Ils ont été lacs. Mais là, est-ce qu'ils seront à nouveau remplis en partie ? Non, je crois que ça fait des milliers d'années qu'ils ne sont plus alimentés en eau. Alors, il y a parfois quelques pluies dans le Simpson, mais ça rend un petit peu de boue. Mais trois jours après, c'est nouveau sec, quoi. Donc, pour ça qu'on entendait dans votre écriture de voyage un guide, un conseiller qui vous disait de ne pas marcher dans les lacs parce que vous risquiez de vous embourber. Voilà. Il se peut qu'il y ait la partie superficielle qui soit une croûte dure, mais que dessous, il y ait toujours une espèce de boue un peu liquide, et que si on passe à travers, on est dans de la boue. C'est ça. Et donc, on pourrait potentiellement avoir des cuvettes et plonger. Pas une bonne idée, ça. Hein. C'est pas, non. S'embourber dans un désert, c'est... Voilà. Gestion de l'eau. Vous trimballez une charrette qui, au départ, pesait 215 kilos. À bord, il y avait 140 litres d'eau. Comment vous gérez votre eau ? Ça, c'était la grande difficulté, puisque personne ne savait au départ, qu'en tirant un tel poids, quelle était la quantité à prendre. Donc, basé sur un des champions du Sahara, mais lui avec des dromadaires et à du 50 degrés à l'ombre, dans le Simpson, on a maximum 30. J'ai eu deux jours où on aurait dépassé les 31-32, mais sinon j'étais entre 25 et 30. Et donc, on considère qu'on boit 4 litres d'eau par jour. C'est un peu la référence aujourd'hui. On dit, tu traverses un désert, paf, c'est 4 litres d'eau par jour. Ça va encore. Ça va encore, c'est pas énorme, mais quand il faut faire plusieurs jours, ça monte en poids quand même. Oui, le poids est énorme, mais je veux dire, la quantité d'eau bu, on s'attendrait peut-être à plus vu l'effort, quoi. Oui, mais faut savoir que lorsqu'on marche 15 à 18 heures par jour, parfois on pourrait presque faire un calcul différent, de dire, il faut boire autant de... Comme les litres au 100 d'une voiture, les litres au 100 du piétonnier, enfin du marcheur. Alors vous buvez votre eau, vous dites, c'est quoi la proportion de l'eau que vous buvez par rapport à l'eau qui pourrait servir à autre chose ? On va dire 99%, donc le pourcent qui reste c'est, je me suis lavé, de toute façon je me suis lavé une fois, donc j'avais, généralement je vais pas prendre un savon ou un gant de toilette, je prends simplement un coin de t-shirt où il n'y a pas eu trop de sueur, je mets un peu d'eau dessus et je me frotte les aisselles et les parties intimes. Ça, c'est pour donc ça prend un quart d'heure, je l'ai fait une fois. Sinon, les dents, j'ai dû le faire une fois par semaine. Donc là, c'est très simple. Heureusement que vous étiez seul. Hein, quand oui, même. Oui, tout à fait. Ça explique peut-être les mouches aussi, mais disons que je mets 2-3 gorgées d'eau dans ma bouche et je me frotte les dents et puis j'avale tout, je ne le recrache pas, j'avale. Il ne jette rien, pas de dentifrice. Évidemment. Vous avez posé sur la table de Globe Crocker des baskets, ce sont celles que vous portiez lorsque vous tiriez cette fameuse charrette, et elles parlent, ces baskets. Qu'elles disent ? Elles ont vécu un peu, hein, donc il y a elles sont complètement usées dessous. Et il y a, en fait, la semelle. Dans le désert sous la semelle, il y a, on va dire, des petits bâtons qui font entre 1 et 2 cm de long, qui s'enfoncent dans le pied, comme des échardes qui sont en fait des graines. Donc il y a des graines avec des pics. Et un peu comme des châtaignes. Voilà. La châtaigne du coin, sauf qu'il n'y a pas le châtaignier. Mais beaucoup plus dure, la pique. Vraiment très, très, très, très, très solide. Donc elle s'enfonce dans tout ce qui est évidemment plus mou qu'elle. Donc les semelles de mégodas et surtout dans les pneus. Oui. Il y a des milliers de trous. Hein, dans chacune de vos semelles, il y a des milliers de trous. Et donc, comment se sont portés vos pneus? Alors les pneus, ben, heureusement que c'était des pneus pleins, parce que si c'était un pneu à air... Donc j'ai compté un pneu, il y en a 4, 200 petits bâtons, donc ça fait 200 crevaisons potentielles, fois 4, 800 crevaisons. Donc si j'avais dû réparer les 800 crevaisons, j'aurais fait 10 km peut-être en 35 jours. Donc c'est super bien vu le coup des pneus à bulles. Oui, c'était finalement une bonne idée, donc c'est un peu plus lourd que des pneus à air puisqu'ils sont remplis. Mais la bonne idée, c'était que je n'ai pas dû réparer et donc je n'ai pas dû prendre d'outils. Très méchant aussi pour les pneus, une plante épouvantable qui s'appelle le Spinifex. Exactement, donc c'est un peu comme une grosse balle, ça a la taille d'un ballon de basket. Et on pourrait imaginer ça comme un mikado, en fait c'est comme les bâtons de brochette en bois qu'on a chez nous. Et qui parfois se retrouvent les plantes en tapis. Donc le Spinifex se retrouve parfois en colonie. Voilà, exactement. Et donc on a des centaines de mètres carrés et soit on contourne et ça prend du temps, soit parfois on se dit bon, on passe à travers tout. Alors passer à travers tout, c'est ça. Ça veut dire comment vous faites, hein? Bien lever les pieds pour pas s'en mettre dans le tibia ou dans le mollet. Mais quand même, bien vous marcher dessus. Oh, bien sûr. Et après, il y en a qui viennent par le dessous de la chaussure. Il faut aller aux échardes, retirer le pied, aller chercher dans la peau. Et puis, évidemment, la charrette doit passer aussi. C'est pas toujours évident. Eh bien, on va poursuivre cette traversée du désert dans quelques instants dans Globe Crocker, parce qu'on va arriver dans un autre lac qui est presque la ligne d'arrivée de votre périple. Ce sera juste après Better Than de John Butler Trio. Don't Better Than John Butler Trio en 2007. Nous sommes dans le désert australien ce matin et on y reste. 11h midi sur la première, Globe Crocker. Louis-Philippe Lonck, on traversait ce matin avec vous le désert Simpson, un endroit des plus arides d'Australie. C'est d'ailleurs le désert le plus aride d'Australie. Oui, tout à fait. Un désert de quelle couleur ? Plutôt rouge à 90%. Parce que vous êtes moucronois et que la France n'est pas loin. Voilà. À 90% rouge. Vous avez traversé des lacs qui étaient évidemment asséchés depuis des lustres parce qu'ils étaient plats. Vous tirez une charrette derrière vous. Comment s'est passée la gestion de l'eau ? Alors l'eau, ben, on la boit en fur et à mesure, donc 4 litres par jour. Ouais. Et puis, évidemment... Mais vous, est-ce qu'il vous en reste à la fin du voyage ? C'est ça la question. Alors, à la fin du voyage, justement, il m'est resté 12 litres. Donc, je suis arrivé au lac Eyre, qui n'était pas vraiment le point que je voulais atteindre. Je voulais, en fait, continuer et traverser le lac Eyre également, parce que quand j'arrive... Ah, il est à sec aussi, lui ? Il est complètement à sec. Il se remplit d'eau 3-4 fois par siècle, parfois à moitié. Et donc, on peut le traverser. Rarement à la nage ? Jamais. Je crois que jamais. D'accord. Et l'idée, c'est que quand je suis arrivé là, il me restait 12 litres, mais j'ai passé un bras de mer, enfin une ancienne rivière du lac qui, elle, était boueuse. Enfin, cette boue dont on s'enfonce, et là, ben, on s'enfonce de 20 à 30 cm. Et donc, j'avais les pneus bourrés de boue qui rendaient le tirage vraiment difficile. Et j'ai appelé quelqu'un pour venir me chercher, le ranger du ranch local qui fait la taille de la Wallonie pour dire qu'il c'est un tout petit bon ranch. Oui, c'est d'ailleurs le ranch le plus grand au monde, d'ailleurs. Ah ok, et qui s'appelle vous Alors c'était celui-là, je crois que c'était le Macumba. Donc ça, c'était la boîte de nuit ça, d'à côté. Aussi, mais bizarrement. D'accord. Et en fait, il y a la famille Kidman, qui n'a rien à voir avec Nicole, qui possède plusieurs ranchs. Et la superficie de leur ranch fait 2-3 fois la Belgique au total, mais le plus grand ranch fait... il ne fait pas la Wallonie, il fait 25 000 km². La Belgique, c'est 30 000, donc quasi la Belgique, pour d'accord. Un seul ranch. Un ranch de chevaux ? De bovins. Bref, vous appelez... J'appelle le monsieur qui vient me chercher et pour ne pas salir son truc, je ne savais pas à quoi il venait. Je me suis dit, on va démonter les rooms, mettre tout ça dans son 4x4. J'ai utilisé mes 12 derniers litres d'eau pour jouer au car wash et bien nettoyer avec le reste du papier toilette pour bien frotter la boue. C'est complètement dingue, pendant 5 semaines, vous avez... 5 semaines, c'est ça ? Oui, 5 semaines, oui. Vous avez traversé un désert en vous servant de votre eau quasiment à la pipette et là, il vous reste 12 litres et vous lavez vos pneus. C'est quand même étonnant. Vous avez déposé sur la table de Globe Crocker un drôle d'objet qui ressemble à rien. Donc, il faudra le décrire. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça a la forme, on va dire, d'une espèce de... La forme d'une poire, d'une petite poire. Un petit barbapapa. Et en fait, c'est... Si vous voulez. Et en fait, c'est une caméra 360 degrés. C'est une des plus petites qui existe sur le marché. Donc, je l'ai depuis quelques jours. Et ça me permet de prendre des photos, de la vidéo. Et une des nouveautés que je vais faire, puisque je retourne dans le Simpson dans quelques jours... La semaine prochaine. C'est de prendre à point, on va dire régulier, un point GPS et la photo qui correspond pour pouvoir illustrer magazines, web évidemment, sur mon blog et autres, mais par exemple les magazines qui seraient intéressés par des photos, on peut y mettre un code QR, hein, comme le code barre avec son smartphone, on pourra donc voir en 360 degrés l'endroit où j'ai été en très très haute qualité. Ouh, ça va marcher ça. J'espère que ça va marcher, ça va plaire. Ça va être bien. Il y a un endroit par lequel vous vouliez passer dans ce désert Simpson, c'est l'endroit où trois frontières se croisent. C'était l'Australie méridionale, les territoires du Nord et le Queensland. Voilà. Et pourquoi vous vouliez passer par là et pourquoi vous n'êtes pas passé par là, du coup ? Alors, je voulais passer par là parce que c'est un point remarquable, c'est un point où il y a quelque chose à éviter. Il y a une stèle, d'ailleurs, à ces trois points. Et donc, en 2008, c'était le but. Mais comme j'ai vu qu'avec les 215 kilos au départ, je ne faisais même pas 5 km par jour au départ et que je devais avoir une moyenne de 23, même si il y a des derniers jours, je suis monté parfois à 32, 33 km. Vous avez pris un raccourci ? J'ai pris un raccourci directement vers le lac Eyre. Et cette année, en fait, le point terminal de l'expé, c'est d'atteindre ce point. D'accord, ce sera votre ligne d'arrivée en forme de pointillé le long des trois frontières. Est-ce que vous diriez que ce voyage-là, cette première mondiale, a changé votre vie ? Ça a changé ma vie dans le sens où,